Et si je chante, c'est pour toi. Et que tu viennes dans mes bras. Chanter pour te bercer, mon ange. Toubidoubidam, toubidoudam. Gentiment, lancinant, finalement. Et si je chante, c'est pour toi. Que tu te sentes bien avec moi. Chanter toujours, chanter quand même. Chanter pour pouvoir dire je t'aime. Gentiment, doucement, lancinant, finalement. Et si je chante, c'est pour toi. Et que tu viennes dans mes bras. Chanter toujours, chanter quand même. Pour pouvoir se dire je t'aime. Doucement, gentiment. Que tu te sentes bien avec moi. Chanter toujours, chanter quand même. Pour pouvoir se dire je t'aime. Chanter toujours, chanter quand même.